C'est la chronique du club de golf de Saint-Prime avec notre ami Roger Caron. Salut Roger. Bonjour Dani, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Roger, si on parlait un peu du Saint-Prime Open, ça s'en vient à très, très grands Ah pas. oui, Donc, ça s'en comment vient ça va très les fort. inscriptions? Ben là, dans le moment, ça va très bien. C'est sûr qu'on a commencé à prendre des inscriptions depuis la semaine dernière. Déjà au tableau, ça va très, très bien. On a envoyé nos posters dans tous les clubs de la région et un petit peu partout, même la tube, dans tous les coins. Alors, bref, on s'attend d'avoir une bonne réponse. On a déjà une bonne liste de noms. Alors, naturellement qu'on va avoir des contacts directs aussi. Alors, ça va se faire, mettons, sur 2 jours cette année. On va avoir le jeudi, on va avoir notre match d'ouverture qu'on appelle, Oui. où ce que les gens d'extérieur vont pouvoir venir jouer avec nous aussi à ce moment-là. OK. Puis, est-ce que ça ressemble pas mal aux mêmes années de ce côté-là? Oui, je te dirais que, regarde, après notre match d'ouverture, on va avoir un 5 à 7 le soir avec la pizza, salade César et compagnie. Et maintenant, à 19 h, on va avoir le repêchage des équipes. Ce qui veut dire que c'est chaque capitaine qui va au repêchage, qui choisit selon ses besoins. À savoir, j'ai-tu besoin d'un long cogneur ou d'une madame qui pote bien ou quelque chose comme ça. Alors, bref, ça va se faire lors du repêchage du jeudi soir. OK. Donc, on va surveiller ça, évidemment. Puis, par les années passées, c'était Las Vegas, c'était très, très couru. Est-ce que de ce côté-là, le potting, comment ça marche? Ben, le potting cette année, on le sait pas. Je te dirais que cette année, on s'en tient, à part la match d'ouverture qui est le jeudi, on va le vendredi au Saint-Prime Open. Et pour cette année, on s'en tient qu'à ça pour l'instant. OK. Alors, on fait vraiment cette activité-là. On n'a pas le MSOP. Et le tournoi des équipes qui avait lieu le samedi, il n'a pas lieu cette année. On regarde pour autre chose présentement. OK, donc c'est Alors, intéressant. oui, moi je demande en dernier. Oui, moi, tu sais la formule. J'aimerais expliquer la formule un petit peu. Ouais, C'est vraiment vas-y. comme l'an passé. C'est un Vegas 4 balles, en fait, au Continuous Mulligan. Et nos inscriptions doivent être faites avant le 17 juillet. Alors, OK. ça, c'est très important. Alors, pour les gens qui sont membres dans un club, que ce soit membre au Saguenay, au Lac-Saint-Jean, ou je continue, peu importe, c'est que les gens, ça coûte 100 $. Alors, ils sont considérés comme nos membres ici. Et si quelqu'un n'est pas membre d'un club, à ce moment-là, il y a 15 $ de différence, ce qui veut dire 115 $. Et ce qui est très intéressant pour les gens qui veulent s'inscrire, c'est que tout le monde parte de leur jalon régulier. OK. Si les bleus, il y en a qui partent des bleus, partent des bleus. Si les hommes partent des blancs chez eux, ils vont partir des blancs ici. Et même, on accepte les jaunes sur les jaunes. OK. Alors, vraiment, les jalons vont être respectés pour toutes les classes. OK. Donc, on va surveiller ça de très très près aussi. Ça va être pas mal intéressant. Donc, effectivement, ça c'est la grosse activité du Saint-Prime Open. Donc, ça, c'est intéressant. Parle-moi maintenant de ce que cette semaine, il fait extrêmement chaud. Ça doit être moins beau pour l'achalandage, hein? Ben, je vais être franc avec toi. Le matin tôt, c'est bon, mais naturellement, regarde, je suis assez honnête pour vous dire que quand il arrive sur l'heure du midi, 1 h, 1 h 30, 2 h, on se rend compte qu'il y a beaucoup moins d'achalandage parce que c'est très, très, très, très chaud. Par contre, sur la fin de la journée, là, il y a une température baisse un petit peu. Là, on a un peu d'achalandage aussi. Mais je te dirais, Dani, la grosse chaleur comme on a, c'est presque froid finalement. On dirait que les gens restent Ah, plus autour des lacs, autour des piscines, etc., etc. ben, c'est sûr que c'est pas l'idéal, hein, parce que, regarde, écoute, là, elle joue un 18, parce qu'à Saint-Prime, c'est un 18, là. Elle joue un 18 quand il fait à peu près 40 degrés, facteur d'humidex, là. C'est très difficile. C'est très, très, très, très, très difficile. Ah oui. Des promotions, allons-y que les promotions. Bon, les promotions, nous avons toujours nos promotions des travailleurs qui, à partir de 15 h, coûtent seulement que 15 $ pour du golf illimité. Ça veut dire que tu arrives à 15 h, tu peux jouer jusqu'à la fermeture. Tu veux faire 9 trous, 18 trous, tu vas en faire 24. Il n'y a aucun problème. C'est à partir de 15 h, 15 $, golf illimité. Ici, des fois, il y a deux personnes qui veulent jouer avec des voiturettes motorisées. Eux, ça leur coûte pour les deux personnes, 40 $, voiturette incluse, taxe incluse. OK. Alors, c'est vraiment pas dispendieux. Vous avez-tu une soirée des dames comme à... Oui, Oui, on a OK. toujours la soirée des dames que c'est notre ami Jonathan Lambert qui organise. Ouais. Alors, ça va très bien. Et puis, ça, c'est les mardis. À tous les mardis, Jonathan, de la soirée des dames. Puis ça va très, très, très bien de ce côté-là aussi. C'est-tu une soirée des dames pour jouer au golf? Ou bien une soirée des dames pour, tu sais, ce que je veux dire? Là. Non! Parce que ça attire le bateau aussi. C'est important d'attirer le bateau aussi. Là. Mais je vous dirais que c'est vraiment le golf, parce que Jonathan donne des cliniques en même temps, donne des conseils, des cours aux madames, et en plus, les gens peuvent aller jouer sur le terrain, et après ça, ben naturellement, c'est la partie récréative, où ce que les madames prennent une consommation après. Okay. Alors, c'est toujours intéressant, puis c'est toujours plaisant de participer à ces soirées. Donc, c'est pas pour attirer les matous, malheureusement. Non, c'est vraiment, dans notre cas, nous, c'est vraiment pour attirer les madames au golf. Okay. C'est vraiment notre but premier. Non, mais là, pêche pas l'autre. Non, mais présentement, on se concentre vraiment sur le golf. Bon, ben, Roger Caron, on se reparle mardi prochain. D'accord, Dani, merci pour cette journée. Le directeur général du club de golf de Saint-Prime, Roger.